fait carrément bien d'être là. Hein. C'est le jour J pour les Energy Music Awards, c'est Yonel. Ladies and gentlemen. Les Energy Music Awards 2013. Exactement, c'est la dernière ligne droite avant la cérémonie ce soir 20h50 sur Energy et TF1. Vous n'êtes pas à Cannes, zéro stress. On vous dit tout, on vous explique tout, on partage tout avec vous dans toute la France. Il y a déjà des vidéos qui tournent hein, sur energy.fr. Je vois les copains avec les caméras qui sont en train de faire des interviews dans les coulisses du yacht, dans les coulisses du Palais des Festivals. Donc voilà, vous n'êtes pas à Cannes, pas de soucis. Energy.fr pour checker tout ça, vidéos, photos. La montée des marches à suivre tout à l'heure dans le Hit des Clubs DJ Buzz avec Anto. À partir de 19h, depuis le tapis rouge avec en mode classe, hein, paillettes, flash des photographes, costard, la totale. Et puis là, cet après-midi, donc, on vous fait vivre les derniers préparatifs parce qu'il y a des stars qui sont encore en train de répéter. C'est Julien qui est dans les coulisses du Palais des Festivals. Juju. Oui, Lionel. Alors c'est vrai que la pression monte. On est à quelques heures de la plus grande cérémonie musicale européenne. Toutes les stars sont déjà arrivées sur la croisette, ça tu le sais. Les fans sont déjà devant les marches du Palais des Festivals pour les accueillir. Beaucoup de monde donc ici à Cannes. Et j'ai appris que Psy, la grande star coréenne qui a dépassé le milliard de vues sur le net, c'est énorme, allait nous faire un Gangnam Style géant en public tout à l'heure. Exactement. Alors j'ai vu Chris Marquez de Danse avec les Stars qui est juste à côté. Tout à l'heure j'ai demandé s'il pouvait m'apprendre la chorégraphie. pour l'instant clairement c'est mal barré. Hein. Je vais m'entraîner mais on est mal parti. Et alors là j'ai une bonne nouvelle. Voilà, je rentre dans la salle. Voilà, Alicia Keys est juste derrière en train de répéter. Je peux pas parler trop fort mais voilà, vous l'entendez juste derrière. Je sais pas si vous l'entendez. Je me tais. Elle fait des tests de voix là. Voilà, je sais pas s'il va parler encore. Elle est à la phase de check 1, 2, check 1, 2, 1, 2, 1, 2, check 1, et c'est, check. Exactement. Voilà, et là dans 3, ah ben là, il y a un petit décompte. Voilà, c'est direct. Parti, et voilà, je ne peux pas faire mieux que vous. On vit le direct. Je vais faire vivre le direct. Si ça marche, c'est là. Voilà, c'est parti, Alicia Keys en direct, ici sur la scène des Energy Music Awards. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, c'est bon. Ah, on peut pas être mieux dans les coulisses. Elle sera tout à l'heure sur le yacht Energy. On lui a préparé une surprise parce qu'hier c'est son anniversaire. Je vais vite descendre et puis je vais lui dire après qu'elle vienne sur le yacht. Hein. On l'écoute encore un peu. C'est canon. Vivement ce soir, hein, le show sur Energy TF1 à partir de 20h50. Merci Julien, à tout à l'heure. Là on écoute Calvin Harris sur Energy. Restez avec nous, à tout de suite.